tête est face à face avec une tête au crâne ouvert, la chair pendante. J'enlève des vers blancs de la chair verdâtre. Le visage sur le crâne me regarde. Ses yeux me regardent, ne me voient peut-être pas. Je regarde ses yeux et je vois les vers bouger au-dessus de son front. Avec une pince à sourcils, j'enlève les vers vivants. Je les jette sur le sol. Un à un, les asticots tombent. Je n'entends pas le son des asticots sur le sol. Je n'entends plus rien. Le sol devient mou, ma chaise tombe. Je ne vois plus le visage dans le miroir noir.